Perte de goût et perte d'odorat pour les cas légers, confusion, perte de repères et dans des cas extrêmement rares, convulsions et encéphalites. Depuis le début de l'épidémie, il y a une suspicion persistante quant à l'aspect neurologique de la Covid-19. Mais comment et pourquoi des virus peuvent-ils passer dans le cerveau, qui est certainement l'organe le mieux protégé des pathogènes extérieurs de l'ensemble du corps humain? C'est ce à quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui, à la barrière hémato-encéphalique, un système de filtrage et de protection très précis, mais qui, comme toute armure, à ses failles. Barrière hémato-encéphalique, la dernière frontière, c'est le programme cérébral qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Et oui, troisième semaine de reprise du direct ici depuis le studio de France Culture. Nous allons donc évoquer aujourd'hui cette frontière, cette ligne dynamique qui doit laisser passer le bon et filtrer le mauvais, et comment malgré tout certains pathogènes arrivent à s'infiltrer à l'intérieur de notre cerveau en franchissant cette barrière. Nous avons le plaisir, pour évoquer tout cela, de recevoir aujourd'hui et à distance, comme tous les jours depuis trois semaines, Nathalie Pardigon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche à l'Institut Pasteur, chef de groupe, au laboratoire environnement et risques infectieux. Et Daniel Dounia, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au centre INSERM de physiopathologie de Toulouse-Purpan. Alors, pour commencer par l'actualité, je le disais en introduction, depuis plusieurs semaines, il y a un doute qui s'est installé, un doute persistant sur ce qu'on appelle le neurotropisme du SARS-CoV-2, avec des discours pas toujours ni très clairs ni très rassurants, comme en atteste cet extrait. Nous sommes sur la chaîne Tout Info LCI le 18 avril dernier. Le coronavirus attaquerait également le cerveau. Eh bien oui, Amélie, vous le savez, le Covid est avant tout une maladie respiratoire. Mais des malades ont fait état de symptômes étonnants, notamment une perte du goût et de l'odorat. Ces symptômes, Amélie, sont révélateurs d'un problème neurologique. Ça veut dire que le système nerveux périphérique est atteint. Alors c'est la partie du système nerveux, vous le voyez, qui se trouve en dehors du cerveau et qui normalement fait remonter au cerveau des informations, typiquement le goût, l'odeur. Mais le virus pourrait donc toucher directement le cerveau lui-même. C'est ce qu'ont prouvé des chercheurs de Wuhan. Ils ont observé que sur 214 patients hospitalisés pour le Covid-19, 78, ça fait plus d'un tiers, présentaient des symptômes neurologiques. Ça va du simple vertige aux troubles de la conscience ou à des maladies cérébrovasculaires plus aiguës, surtout chez des patients qui ont été hospitalisés dans un état grave. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui avait été observé pour d'autres coronavirus, le SRAS, le MERS. Une étude chinoise, là encore, a repris des analyses, des échantillons prélevés au début des années 2000 sur des victimes du SRAS. Conclusion, ces analyses ont montré que des particules du SRAS étaient bien présentes dans le cerveau, presque exclusivement dans les neurones. Conclusion d'ailleurs confirmée par une expérimentation menée sur des souris qui a prouvé que le SRAS et le MERS pouvaient entrer dans le cerveau, éventuellement par les nerfs olfactifs, et se propager ensuite dans d'autres zones du cerveau. Alors cet extrait date du 18 avril, effectivement il y a eu une inquiétude qui a été diffusée à cette époque. On va revenir plus largement tout à l'heure en deuxième partie, quand on aura bien compris comment fonctionne cette barrière hémato-encéphalique, sur certains tropismes de virus respiratoires, comment peuvent-ils passer dans le cerveau. Mais peut-être pour commencer, pour réagir finalement à cette archive, Nathalie Pardigon et Daniel Dounia, comment expliquer que ce neurotropisme, il soit pas établi, il soit pas simple finalement de l'établir de façon très claire? Daniel Dounia. Alors, parce que tout simplement, c'est pas toujours très facile de diagnostiquer une infection cérébrale. On peut pas accéder tout facilement au cerveau. Donc, on raisonne par inférence et par analogie avec ce qu'on connaît des autres coronavirus, et notamment ce qu'on avait pu voir avec le SARS. Je pense que maintenant, le neurotropisme du SARS-CoV-2 et les maladies associées dans la Covid, je pense que c'est quelque chose qui est assez bien établi. Maintenant, c'est en pleine évolution, c'est un virus nouveau, et on a encore beaucoup de choses à comprendre sur les voies d'accès au système nerveux central par ce virus. Nathalie Pardigon, une réaction à ce que vous venez d'entendre et justement à ce débat qui a été un peu lancinant et avant d'être tranché de façon plus claire ces dernières semaines? Oui, je suis entièrement d'accord avec Daniel. Je pense qu'en effet, c'est très difficile de déterminer s'il y a réellement une infection du cerveau. sans aller y chercher directement dans le cerveau. Et en général, il faut plutôt travailler post-mortem, pardon. Donc en effet, le fait de savoir qu'il y a des gens qui font ce genre de réponse au virus, certainement indique qu'il y a un passage tout à fait possible, mais il faut arriver à trouver comment. Alors, il y a deux choses. Hein. C'est vrai que, d'une part, je le disais dans l'introduction, on dépeint souvent cette barrière hématoencéphalique comme vraiment la barrière avec le filtre le plus efficace qui protège le cerveau, qui est l'organe le plus important du corps. Et pourtant, le neurotropisme viral, c'est quelque chose d'assez répandu, de pas si inquiétant qu'on peut l'imaginer quand on en parle comme ça au premier abord, Daniel Dounia. Alors en fait, je dirais pas que c'est pas très inquiétant. Disons que c'est une stratégie qui a été développée par beaucoup de virus finalement, y compris des virus que l'on ne caractériserait pas forcément comme neurotropes, c'est-à-dire infectant le cerveau. Mais effectivement, ces structures anatomiques qui protègent le cerveau de la périphérie sont détournées, comme beaucoup d'autres éléments de notre organisme, par des virus pour pouvoir accéder au système nerveux. Et effectivement, il faut bien comprendre comment fonctionnent ces barrières. Enfin, ce mot de barrière, on y reviendra. Bien sûr. Pour essayer de mieux comprendre comment est-ce que les pathogènes arrivent finalement à contourner ces voies d'entrée et à accéder au cerveau. Nathalie Pardigon. Oui, en fait, il faut se souvenir quand même que les virus, même s'ils ont un tropisme spécifique, le foie par exemple ou les poumons, sont également des pathogènes qui peuvent se développer ailleurs pour des raisons qu'on comprend pas toujours bien. Ça peut être à cause de récepteurs qui existent malheureusement dans d'autres endroits que la cible originale. Donc les virus en fait sont capables d'aller vraiment à peu près partout, et malheureusement la barrière hématoencéphalique, et on en reparlera en effet tout à l'heure, ne peut pas systématiquement protéger du passage d'un pathogène comme certains virus dans le cerveau. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10, nous parlons donc de barrière hématoencéphalique tout au long de cette heure, de cette barrière qui protège notre cerveau des pathogènes et puis d'un certain nombre d'autres choses, comme nous allons le voir dans quelques secondes. Nous en parlons avec Nathalie Pardigon et Daniel Dounia. Cette assertion selon laquelle le cerveau est l'organe le mieux protégé du corps humain, elle est vraie, Daniel Dounia, ou est-ce que c'est une façon d'enjoliver un peu les choses ? Alors, je pense que ça remonte un peu à l'histoire où effectivement ce terme de barrière hématoencéphalique a été mis en avant. Et effectivement, c'est vrai que le cerveau est très très bien isolé par rapport à d'autres organes. C'est vrai qu'il est très très bien isolé. Mais ces notions historiques, en fait, partaient d'expériences où on avait injecté des colorants en périphérie. On s'est rendu compte que le cerveau ne se colorait pas. Donc on est arrivé sur une notion de barrière. Pour maintenant se rendre compte que cette barrière, c'est pas vraiment le terme qui correspondrait. Maintenant, on appelle plutôt ça une unité neurovasculaire, parce qu'en fait, en fonction de l'endroit du cerveau auquel on s'intéresse, les relations entre le cerveau et la vasculature sont différentes. Mmh. Nathalie Pardigon, justement, alors on va garder la terminologie barrière hématoencéphalique pour le moment. Enfin, vous utiliserez bien celle qui vous paraît la plus appropriée. Mais à partir de quel moment on l'identifie ? Parce que c'est vrai que, comme le dit Daniel Dounia, barrière, on s'imagine quelque chose quasiment physique. Or, c'est au contraire un réseau extrêmement distribué, à l'inverse. Oui, tout à fait. En fait, ce dont Daniel parlait tout à l'heure, qui est l'unité neurovasculaire, qui représente en fait un peu plus précisément ce que on appelle communément la barrière, elle n'est pas formée seulement d'une barrière physique à partir de cellules qui tapissent l'intérieur des vaisseaux sanguins au niveau de l'encéphale, enfin du cerveau, mais également d'autres cellules qui sont en particulier des cellules comme les astrocytes, les péricytes ou les cellules gliales. Donc on est là en fait en présence d'une chose très complexe qui va en effet des vaisseaux sanguins. Des vaisseaux sanguins. Et également qui implique donc des cellules à l'intérieur de l'encéphale. Donc là, on se retrouve vraiment avec une forme d'unité neurovasculaire qui, à différents niveaux, filtre et empêche pathogènes et autres d'ailleurs de pénétrer dans le cerveau. Donc il n'y a pas seulement le vaisseau sanguin, c'est-à-dire l'interaction entre le sang et l'encéphale qui est important. Alors peut-être qu'on peut la définir. Effectivement, elle a été isolée pour la première fois en 1885. Ça, c'est à cette époque-là qu'on comprend. D'ailleurs, vous pouvez peut-être nous le raconter, Daniel Dounia, que ces tissus cérébraux ne sont pas protégés ou en tout cas vascularisés tout à fait de la même façon que les autres organes. Bon, en fait, c'est un peu plus tard que ça. En fait, c'est effectivement, historiquement, tout le monde parle de Paul Ehrlich, qui avait fait ses premières expériences où il avait injecté un colorant, l'alanine, en périphérie. Et il a observé qu'en fait, tous les tissus périphériques étaient colorés en bleu et pas le cerveau. Et en fait, il n'avait pas bien conclu sur son expérience. Lui, il avait dit, finalement, le cerveau ne prend pas le colorant. C'est pour ça qu'il n'est pas coloré. Et ça s'est arrêté là. Et puis, un de ses étudiants, quelques années plus tard, a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il a injecté un colorant dans le cerveau. Et puis, il s'est rendu compte que le cerveau était coloré, pas le reste. Donc, du coup, vraiment, on a commencé à penser qu'il y avait vraiment une barrière. Mais en fait, il faut attendre encore un peu. Et c'est une femme, en fait, Laura Stern, qui a mis pour la première fois la notion de barrière hématoencéphalique en justement postulant qu'il y avait peut-être une structure anatomique qui régulait les échanges entre le sang et le cerveau. Et c'est depuis, disons, le début du XXe siècle qu'on a commencé à penser à cette notion de barrière filtrante entre le cerveau et la vasculature périphérique. Et alors justement, en quoi elle consiste cette barrière? Parce que tout à l'heure, Nathalie Pardigon, vous évoquiez plusieurs types de cellules, les cellules endothéliales, les péricytes, les astrocytes. Vous parliez également de la glie. Est-ce que vous pouvez décrire finalement l'ensemble de ce système qui va permettre une filtration très très précise, et on va voir à quel point elle est précise et elle est complexe, de ce qui doit passer du sang à l'intérieur du cerveau, et d'ailleurs réciproquement? Donc si on part de l'intérieur d'un vaisseau sanguin au niveau du cerveau, le vaisseau sanguin à l'intérieur est tapissé par des cellules très particulières qui en fait sont jointives. Elles ont donc ce qu'on appelle des jonctions serrées, qui sont en fait certaines protéines qui interagissent les unes avec les autres et qui forment vraiment, qui bloquent complètement, qui forment un tissu complètement serré, qui ne laisse pas passer, qui laisse passer du liquide mais pas des molécules par exemple. Ensuite, si on sort du vaisseau lui-même... Donc ça, c'est pour les cellules endothéliales, hein, ce que vous venez de décrire. Oui, tout à fait, voilà. Ce sont les cellules endothéliales, voilà. Si on sort des cellules endothéliales et qu'on sort donc du vaisseau, on se retrouve avec une membrane qu'on appelle la membrane basale, qui permet en fait de maintenir ensemble les cellules et du vaisseau sanguin, ainsi que les cellules qui sont au-dessus. Donc maintenant on passe du côté cérébral, où là en fait il y a plusieurs types de cellules extrêmement importantes qui sont en contact avec le vaisseau sanguin, en particulier les péricytes, qui sont des cellules qui ont qui se retrouvent vraiment en contact proche avec les cellules endothéliales, et les astrocytes qui ont en effet ce qu'on appelle des pieds astrocytaires, qui se trouvent en contact direct avec les cellules endothéliales. Et puis au milieu de tout ça se trouve ce qu'on appelle la glie ou la microglie, qui sont des cellules de soutien de l'encéphale. Et donc ces cellules endothéliales, plus la membrane basale, plus les astrocytes, les péricytes et les cellules gliales, forment donc un ensemble qui permet, qui empêche la pénétration d'autres choses que ce dont le cerveau a besoin habituellement, des nutriments bien évidemment, certains composés particuliers, mais qui empêchent en effet la pénétration de molécules particulières, de grosses molécules ou de virus ou de pathogènes. On va faire le détail justement de l'efficacité, de la façon dont cette filtration se met en place. Peut-être un mot, Daniel Dounia, sur cette galerie de cellules différentes et sur leur rôle peut-être à chaque type de ce type de cellules dans ce rôle de filtration de la barrière hématoencéphalique. Alors, comme l'avait décrit Nathalie Pardigon, vraiment là, on a les différents éléments qui constituent la barrière hématoencéphalique au niveau d'un capillaire sanguin dans le parenchyme cérébral. Et effectivement, bon, les cellules endothéliales qui sont au niveau du vaisseau, qui ont des jonctions serrées, en fait, comportent également un certain nombre de transporteurs qui vont s'occuper en fait des transporteurs d'influx et d'exflux, notamment pour le glucose ou les autres nutriments dont a besoin le cerveau. Et il y a un autre filtre sélectif qui se fait au niveau des astrocytes, effectivement, de ces pieds qui sont présents présent de l'autre côté de la membrane basale. Donc en fait, chaque élément joue un rôle actif dans la sélection et la filtration des éléments qui vont pénétrer. Je rajouterais que là, on a parlé de ce qui se passe au niveau des capillaires cérébraux, mais on a également dans notre cerveau des ventricules, donc des espaces un peu ouverts avec d'autres organes qui notamment synthétisent ce liquide qui s'appelle le liquide céphalo-rachidien dans lequel tout notre cerveau baigne. Et au niveau de ces ventricules, on a d'autres organismes qui s'appellent, enfin d'autres organes qui s'appellent le plexus choroïde, où là l'organisation est un petit peu différente de celle qui vient de vous être énoncée pour un capillaire sanguin, mais c'est la même, le même principe, c'est-à-dire qu'il y a des cellules qui sont serrées et qui font vraiment le filtre sélectif, mais les cellules sanguines en elles-mêmes, elles par contre sont fenestrées pour, et donc les échanges sont un peu différents au niveau des plexus choroïdes. Alors maintenant, j'aimerais qu'on comprenne un peu comment cette barrière hémato-encéphalique fonctionne, c'est-à-dire comment est-ce que elle permet de laisser passer ce qui est favorable au cerveau et de retenir, de filtrer ce qui ne l'est pas. On pourrait penser a priori que c'est une question de taille, que ça ne laisse passer que des tout petits composés, mais c'est pas du tout le cas. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que cela, Nathalie Pardigon. Oui, tout à fait. Daniel vient d'en parler. En effet, il y a un système de filtration, de transport, pardon, à partir de protéines qui transportent à partir du pôle apical vers le pôle basal certaines molécules, certaines particules, certains nutriments. Le pôle apical et le pôle basal, vous pouvez nous rappeler ce que c'est, s'il vous plaît ? Alors, pardon, le pôle apical de la cellule endothéliale, c'est celui qui regarde vers l'intérieur du capillaire, donc vers le sang, et le pôle basal, c'est celui qui regarde vers la membrane basale, donc qui regarde vers le cerveau. Parfait. Et en effet, donc, ces transporteurs vont être utilisés donc de façon tout à fait légitime par des nutriments dont le cerveau a besoin, mais vont être également détournés, en particulier par les virus, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Bien sûr. Daniel Dunia, on lit facilement que la barrière hémato-encéphalique permet de bloquer notamment ce qu'il y a de plus petit, et on sait que les virus sont très petits, hein, sur l'échelle des micro-organismes, beaucoup plus petits par exemple que les bactéries ou que d'autres types de cellules de l'immunité, que 98% des substances de faible masse moléculaire sont retenues. C'est vrai, c'est faux? Et quels sont les 2% qui passeraient et qui resteraient justement à traverser cette barrière? Alors, ce que l'on sait, c'est que les transporteurs vraiment sont spécifiques de certaines molécules d'acides aminés, de glucose, tous les nutriments dont a besoin le cerveau. Mais n'oublions pas que cette barrière hémato-encéphalique permet parfois le passage d'éléments beaucoup plus gros, puisque il y a un certain nombre de lymphocytes sanguins, enfin de cellules sang, de globules blancs, peuvent de globules blancs exactement, qui peuvent traverser cette barrière sous certaines conditions avec un mécanisme extrêmement régulé et bien connu de fixation tout d'abord de ces cellules sur les cellules endothéliales et de diapédèse, de passage au travers de cette membrane pour permettre de rentrer dans le cerveau. Et en fait, même dans un cerveau sain, il y a un faible passage autorisé de lymphocytes pour faire ce qu'on appelle de la surveillance immunitaire au niveau du système nerveux central. Et en permanence, on a des cellules qui patrouillent dans le cerveau pour essayer de détecter une éventuelle infection. Et heureusement que l'on a ces activités de surveillance, parce que sinon, vous vous rendez bien compte que si vraiment cette barrière était aussi imperméable qu'on voulait le dire au départ, ça veut dire qu'on ne pourrait pas se protéger d'une infection cérébrale, parce qu'on ne permettrait pas aux cellules qui font le travail d'accéder au cerveau. Mais Nathalie Pardigon, on comprend bien ce système d'échange que vous avez évoqué pour des petites molécules, hein, donc des petites successions de glucose, d'acides aminés, etc. Mais comment est-ce que des grosses cellules que peuvent être les macrophages ou certains types de lymphocytes réussissent à traverser cette barrière ? C'est ce que disait Daniel Dunia. C'est par un mécanisme qu'on appelle en effet la diapédèse, et ça je pense que Daniel pourra mieux le décrire que moi, où les cellules immunitaires donc peuvent pénétrer dans le cerveau en passant par l'intérieur des cellules endothéliales. Il y a aussi probablement un mécanisme de passage entre les cellules endothéliales qui est également possible. Il faut également comprendre que la présence de ces cellules lymphocytaires dont parlait Daniel tout à l'heure, elle est extrêmement importante en effet, et elle patrouille à l'intérieur du crâne du cerveau. Pour pouvoir aller voir s'il y a un problème d'infection. Mais c'est également ce qui peut créer en effet un afflux de cellules qui peuvent provoquer une inflammation assez importante lorsque justement il y a une réponse de type inflammatoire avec à partir de ces cellules immunitaires qui vont envahir le cerveau. Donc c'est en fait un petit peu à double tranchant. Ce problème en effet de la barrière hématoencéphalique qui est une barrière assez stricte fait aussi que elle ne laisse pas pénétrer grand-chose. Et quand elle laisse pénétrer des choses dangereuses comme les pathogènes, ça peut être très grave, mais elle empêche de faire pénétrer certaines molécules importantes qui pourraient aider au traitement de certaines maladies, par exemple. Certains médicaments, oui, on sait, on en a beaucoup parlé dans les maladies, notamment c'est un vrai enjeu pour les maladies, notamment de neurodégénératives, mais pas seulement, de réussir à traverser cette barrière hématoencéphalique pour aller aider ou assister le système immunitaire. C'est vrai que c'est toujours compliqué. Peut-être un mot sur ce système, pour un peu de détails, Daniel Dounia, sur ce système qui permet malgré tout à un nombre conséquent de cellules immunitaires de venir traverser cette barrière hématoencéphalique, soit pour patrouiller, soit au contraire pour réagir à une forme d'infection ou d'inflammation. Alors comme toujours, en fait, c'est une question de reconnaissance des signaux qui sont présents sur l'endothélium vasculaire, des capillaires, et des signaux qui sont présents sur les cellules macrophages ou cellules lymphocytaires qui sont dans le sang. Et en fait, ces molécules qui sont à la surface du lymphocyte et sur la cellule endothéliale vont se fixer, il va y avoir une reconnaissance qui va permettre un attachement de la cellule lymphocytaire sur l'endothélium vasculaire. Et ensuite, il va y avoir une étape de plusieurs procédés. On appelle ça la fixation, puis le rampage, si vous voulez, de la cellule lymphocytaire sur cet endothélium, jusqu'à ce qu'il y ait la diapédèse, le franchissement de l'endothélium par la cellule lymphocytaire. Et ça se fait de façon relativement peu fréquente dans un cerveau sain. Mais dans beaucoup de maladies, par exemple inflammatoires ou auto-immunes, il y a une dérégulation de ces molécules qui font qu'il y a plus de cellules qui s'attachent sur les endothéliums, plus de cellules qui pénètrent dans le cerveau, des cellules parfois qui sont même pathogènes et qui vont être responsables de dommages cérébraux, notamment auto-immuns ou inflammatoires. On voit bien donc, on comprend bien que cette barrière hématoencéphalique est donc non seulement très efficace, mais avec des mailles en tout cas très serrées, y compris pour un certain nombre d'organites ou de cellules du corps. Mais néanmoins, comme on va en parler dans quelques minutes, de temps en temps, des pathogènes réussissent à s'infiltrer, des pathogènes qui attaquent directement les cellules du cerveau, mais aussi des pathogènes qui ont d'autres cibles et qui finissent malgré tout par circuler et pouvoir en trouver quelques petites portes d'entrée dérobées. On en parle dans quelques secondes. Upon the gravel, Cold Brain de Beck sur France Culture à 16h25. Nous parlons effectivement de cerveau tout au long de cette heure et plus précisément de la barrière hémato-encéphalique, ce réseau de cellules qui permet de protéger notre cerveau des agressions extérieures et puis de tout ce qui peut circuler dans notre sang. Nous en parlons avec Nathalie Pardigon qui est chargée de recherche à l'Institut Pasteur, chef de groupe au laboratoire environnement et risques infectieux, et Daniel Dounia qui est directeur de recherche au centre INSERM de physiopathologie de Toulouse Purpan. Donc du coup, bien comme on le sait et comme on va en parler, cette barrière hémato-encéphalique laisse parfois passer des pathogènes. Quelles sont les différentes portes d'entrée justement que peuvent trouver les pathogènes pour réussir à traverser la barrière et accéder aux cellules de notre cerveau, Nathalie Pardigon? Alors il y a différents moyens d'accès en effet. Donc passer la barrière hémato-encéphalique, c'est une des solutions qu'a trouvé le virus. Un virus ou des pathogènes d'ailleurs, il y a aussi des bactéries qui passent. Bien sûr. Mais il y a également ce qu'on appelle un passage neural, c'est-à-dire que le pathogène va pouvoir infecter un neurone d'une manière ou d'une autre. La rage, par exemple, le fait malheureusement bien, ou bien la polio, par exemple. Mais ensuite, le virus va trouver moyen d'entrer dans le cerveau par un passage de neurone à neurone, donc par un passage au niveau d'une synapse entre le neurone qui a été infecté et un neurone suivant au niveau du cerveau. Ça, c'est une deuxième possibilité. Est-ce que j'en vois une autre? Alors, moi Daniel peut. Oui, Daniel Dounia, vous pouvez compléter. Disons, on va revenir peut-être sur ces deux voies principales. C'est-à-dire, la voie hématogène, c'est celle qu'on a dit, c'est-à-dire à travers les cellules sanguines. Et puis, on parle éventuellement de transport axonal rétrograde. Et vous allez nous expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agit. Mais et puis ensuite, il y a éventuellement la voie olfactive dont on parlera aussi. Mais peut-être pour commencer, Daniel Dounia, la voie hématogène, puisque toutes ces cellules sont, ces joints sont si serrés, comme vous nous l'avez expliqué. Comment se fait-il que dans des joints aussi serrés, d'un seul coup, des pathogènes puissent réussir à desserrer un peu les jointures? Alors en fait, il y a deux voies principales, on y reviendra. Donc déjà, pour s'arrêter sur la voie hématogène, ça veut dire que le pathogène va être présent dans le sang. Mmh. Et quelque part, effectivement, il va falloir que du sang, il accède au système nerveux. Mmh. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de barrières sélectives. Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est si le pathogène est présent au sein d'une cellule du sang, d'un globule blanc ou d'un macrophage. C'est ce qu'on appelle la stratégie du cheval de Troie, c'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir une traversée de ces lymphocytes ou de macrophages au travers de la barrière hémato-encéphalique, et du coup, ça permet au pathogène d'accéder au cerveau. Puisque ces macrocytes, beaucoup de virus, quand ces cellules sont déjà infectées, en fait, le matériel génétique viral est à l'intérieur et va pouvoir se répliquer du coup une fois qu'il a traversé la barrière. Exactement. Parfois, le matériel génétique, voire même le virus entier, oui. Ça, c'est une première chose. Ou il y a d'autres possibilités où certaines bactéries, notamment, vont perturber, par exemple, toute la perméabilité de la barrière, notamment avec les streptocoques, par exemple, vont perturber les jonctions serrées au niveau de l'endothélium vasculaire, ce qui fait que, du coup, les jonctions vont devenir plus lâches. Ça va permettre une invasion du pathogène dans le cerveau. Donc, il y a pas mal de possibilités au niveau de la voie hématogène pour perturber un petit peu ces fonctions de blocage, enfin de jonction serrée, ou effectivement de passer via les cellules infectées. Et donc ça, c'est la voie hématogène. Sur cette voie hématogène, Nathalie Pardigon, vous vouliez rajouter quelque chose? Sur la voie hématogène, non, mais j'allais rajouter qu'en fait, donc il y a pour le passage de la barrière hémato-encéphalique, il y a en fait la solution, comme on vient de le dire, du cheval de Troie. Cellules infectées donc qui passent, macrophages infectés qui peuvent passer la barrière, mais également donc le système ce qu'on appelle un passage paracellulaire, c'est-à-dire qu'en effet le pathogène est capable de desserrer les jonctions en interagissant avec les fameuses protéines qui permettent aux cellules endothéliales d'être jointives, comme les protéines des jonctions serrées ou les protéines d'adhésion. L'autre solution, en effet, c'est de passer directement à travers la cellule endothéliale, soit sans que la cellule endothéliale soit elle-même infectée, ce qui est certains virus utilisent ce système-là. Comme par exemple. Soit en infectant directement la cellule. Alors des pathogènes qui passent sans infecter les cellules, on peut parler bon. C'est quelquefois assez difficile de savoir si on est sûr que le pathogène infecte ou non la cellule endothéliale parce que souvent on arrive trop tard pour voir ce qui s'est passé dans au tout début. Oui, bien sûr. Mais disons que, par exemple, dans le cas des flavivirus sur lesquels je travaille, virus comme le virus de l'encéphalite japonaise, par exemple, le virus est capable de passer la barrière hémato-encéphalique, donc de passer les cellules endothéliales, de traverser les cellules endothéliales directement à l'intérieur de la cellule, en utilisant en fait les mécanismes d'endocytose de la cellule, qui est un mécanisme qui permet normalement de faire traverser des nutriments ou des molécules qui sont reconnues par un récepteur et qui sont capables de rentrer dans la cellule sans perturber la cellule. Le virus a été, un certain virus, donc l'encéphalite japonaise, a été capable de détourner cette possibilité pour pouvoir transporter la particule complète du pôle apical vers le pôle basal. De pirater le système en quelque sorte. Et totalement voilà. Pirater le système. Okay. Ou alors, donc la solution suivante, c'est d'infecter directement les cellules endothéliales. Daniel Dunia, la deuxième grande voie d'accès, c'est ce qu'on appelle le transport axonal rétrograde. Expliquez-nous de quoi il retourne. Alors en fait, là on est en train de parler d'une autre catégorie de virus, des virus qui peuvent vraiment rentrer dans le neurone et être transportés grâce au mécanisme classique d'un neurone qui permet de la synapse de faire remonter des informations vers le corps cellulaire. Et en gros, cette voie nerveuse, c'est qu'en fait, les virus dont on parle, donc ça peut être l'herpès simplex, le virus de la rage, le virus de la varicelle et du zona, par exemple, ou d'autres qui sont très connus là-dessus, c'est-à-dire que le virus va infecter une terminaison axonale qui souvent est exposée au milieu extérieur. Donc, par exemple, on peut avoir au niveau périlabial, on a des cellules nerveuses dont les terminaisons axonales sont dans la sphère orale. Dans le cas du virus de la rage, ça va être une morsure, et donc du coup, on va toucher un nerf périphérique. Et à partir de là, le virus, en fait, va rentrer dans le neurone, parce qu'il a des récepteurs qui lui permettent de rentrer spécifiquement dans le neurone. Et ensuite, il va utiliser la machinerie de transport axonal qui permet au virus de remonter en utilisant le réseau des microtubules neuronaux et qui vont lui permettre de remonter jusqu'au corps cellulaire neuronal, de s'y multiplier et parfois même, comme le disait Nathalie Pardagon tout à l'heure, de passer d'un neurone qu'on appelle de premier ordre à un neurone de deuxième ordre, voire plus haut, et d'arriver jusqu'au système nerveux central. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans le cas du virus de la rage qui remonte progressivement à partir des motoneurones périphérique jusqu'au système nerveux central, et c'est là où la rage vraiment se développe. On peut préciser, hein, au cas où, que l'axone, c'est vraiment cette longue terminaison neuronale qui permet en général de mettre en contact le neurone avec la cellule réceptrice ou effectrice finale, notamment, et puis de l'autre côté, qui permet de joindre des synapses, etc. Peut-être, y a un dernier mot, et ce sera peut-être important de le souligner aujourd'hui, quand on va revenir au SARS-CoV-2, la voie olfactive, parce que c'est vrai qu'on a, dans le bulbe olfactif, un certain nombre de neurones qui connectent directement avec notre cerveau. Daniel Dunia. Alors oui, on a des neurones qui communiquent directement avec le bulbe olfactif, mais on a également beaucoup d'autres terminaisons nerveuses en fait qui sont présentes dans toute la sphère olfactive. Par exemple, dans le cas de l'herpès, on a des ganglions, des neurones sensitifs qui remontent jusqu'au ganglion sensitif. Et c'est là où en fait persiste l'herpès qui se réactive régulièrement et qui donne les boutons de fièvre que l'on a en périlabial quand on est infecté par l'HSV1, l'herpès simplex de type 1. Mais effectivement, on a effectivement la voie très classique olfactive où on a ces neurones qui traitent les informations olfactives au niveau périphérique, donc les odeurs, et qui relaient sur les neurones du bulbe olfactif qui ont même des relais après plus haut au niveau cortical pour traiter toutes les informations de goût et d'odeur. Et ça, effectivement, en fait, c'est presque un détournement naturel de la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire qu'on a des terminaisons nerveuses qui sont un petit peu partout dans notre corps, et si jamais un virus qui a la capacité d'être transporté par la voie axonale accède à un neurone, du coup, il n'a même plus besoin de passer la barrière hémato-encéphalique parce qu'en fait, il est déjà présent dans un neurone. Oui, bien sûr. Et en utilisant ce transport rétrograde, il va pouvoir accéder au système nerveux. Nathalie Pardigon, un mot justement sur ce transport neuronal ou axonal rétrograde, comme on l'appelle ? Oui, c'est en effet le cas typique de la rage, qui est vraiment ce qu'on connaît de mieux pour faire ce genre de transaction, de passer donc dans l'encéphale. Ce qui est curieux, c'est que les pathogènes, les virus en l'occurrence, n'utilisent pas un seul moyen pour se rendre dans le cerveau d'une manière ou d'une autre, mais peuvent utiliser plusieurs moyens. Et en fait, pour la rage, c'est très clairement rétroaxonal, mais pour d'autres virus, en fait, le virus est capable d'utiliser à la fois le passage de la barrière hémato-encéphalique, mais également un passage, par exemple, par le bulbe olfactif. Et il est possible que, en fait, le corona soit capable de faire ce genre de choses parce qu'il utilise de multiples options pour pouvoir arriver jusqu'à l'encéphale. D'accord. Alors, peut-être un mot aussi, parce que c'est vrai que dès qu'on parle de pathogènes qui passent dans le cerveau, c'est tout de suite assez anxiogène ou assez préoccupant. Les infections cérébrales, toutes les infections cérébrales sont graves, Nathalie Pardigon ? Ah oui, c'est un peu le problème. C'est qu'en effet, Daniel Dounia le précisait tout à l'heure, l'encéphale est très très bien protégé, bien dans sa cavité là-haut, avec des patrouilles de lymphocytes et également donc tout un système de barrières dont on vient de parler. Et donc, lorsqu'un virus est capable de rentrer dans l'encéphale, l'encéphale va se défendre d'une manière ou d'une autre. Donc, les cellules qui sont les cibles du pathogène, en général les neurones, mais ça peut être les astrocytes, par exemple, vont produire des substances très toxiques qu'on appelle des cytokines ou des chimiokines, ou simplement se défendre en produisant différents types d'interférons, par exemple, qui peuvent être tout à fait inflammatoires, être gravement inflammatoires. Et en fait, comme l'encéphale est vraiment protégé à la fois des entrées et des sorties, cette inflammation va rester au niveau de l'encéphale et va donc produire des dégâts monumentaux qui ne sont pas nécessairement le fait du virus lui-même, par lui-même. C'est-à-dire que le virus peut très bien n'infecter que quelques neurones, mais la mort de ces neurones peut provoquer une inflammation absolument gigantesque de l'encéphale qui évidemment se traduit par des maladies gravissimes. Quoi. Daniel Dounia. Oui, en fait, je pense qu'il y a des études assez anciennes qui estimaient qu'une personne saine hébergeait à peu près une vingtaine de virus en permanence dans son système nerveux central. Donc en fait, c'est une cohabitation à laquelle on est forcé, mais alors effectivement, dans beaucoup de cas, c'est dramatique. Heureusement pour nous, la réponse immunitaire est relativement efficace et les virus, dans beaucoup de situations, sont maintenus sous contrôle. Alors soit c'est des mécanismes viraux qu'on appelle la latence, par exemple, où des virus vont rester latents, très silencieux, donc du coup ne pas provoquer de dommages, ou alors un jeu permanent avec la réponse immunitaire, et tant que cette réponse immunitaire est active, le virus ne va pas se multiplier et du coup ne va pas provoquer ces encéphalites massives que l'on peut voir effectivement quand le virus est hors de contrôle et n'est pas contrôlé par la réponse immunitaire. Mais effectivement, du coup, on a beaucoup d'infections virales qui accèdent au cerveau. Alors, il y a des trucs très bénins, hein. La rougeole ou les oreillons peuvent infecter le système nerveux central. Dans certains cas, ça peut se réactiver tardivement dans la vie et provoquer des maladies extrêmement sévères. Mais dans beaucoup de cas, heureusement pour nous, que ce soit par exemple la varicelle, le zona ou certains herpès, on est beaucoup à être exposé à un herpès et on ne va jamais faire un bouton de fièvre parce qu'on contrôle très bien la latence virale, à l'inverse d'autres personnes qui, elles, vont faire régulièrement des boutons de fièvre dès qu'elles ont le moindre stress. Et ça reste encore relativement une manifestation relativement bénigne, en fait, d'une infection cérébrale. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h40, nous parlons donc toujours tout au long de cette heure de barrière hémato-encéphalique et nous parlons en l'occurrence des pathogènes qui arrivent à la franchir et on va arriver au cœur de notre sujet ou en tout cas de l'actualité, c'est la question des virus respiratoires et évidemment in fine du SARS-CoV-2. Les virus respiratoires qui ont un neurotropisme, on le sait, il y en a plusieurs, c'est quelque chose de connu, Daniel Dounia. Alors, je pense que avec ce qu'on vient de dire sur l'exposition de tous les récepteurs olfactifs au niveau de la sphère oropharyngée, donc la cible des virus respiratoires, on comprend assez facilement qu'il est possible, dans certaines situations, que les virus respiratoires puissent accéder au système nerveux central par cette voie olfactive. Alors, ça reste, ce ne sont pas des virus neuro-invasifs au sens strict. Donc, en fait, cette infection reste relativement limitée quand même, mais il a été décrit des cas d'infection par les virus grippaux, par les virus respiratoires syncytiaux, par d'autres coronavirus respiratoires avant le SARS-CoV ou le SARS-CoV-2. Et effectivement, on sait très bien que tous les virus respiratoires ont la capacité d'accéder au système nerveux. Nathalie Pardigon, oui, on peut parler du virus respiratoire syncytial, qui est un virus qui peut être assez sévère chez les tout nouveau-nés. Oui, tout à fait. Oui, oui. En effet, c'est un virus qui est capable de pénétrer l'encéphale. Et on ne sait pas trop en fait comment ces virus sont capables. Les virus qui sont à ciblage respiratoire sont capables de pénétrer le système nerveux central, mais ils le font. Et je voudrais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Daniel à propos du fait que il y a beaucoup de virus qui peuvent être présents plus ou moins présents dans notre cerveau et que notre système immunitaire s'en défend. Moi, j'ai une vision un peu plus biaisée de l'histoire parce que je travaille sur des virus qui sont neurotropes, neuro-invasifs et dont le centre, dans la cible, est réellement l'encéphale. Donc pour moi, un virus qui pénètre l'encéphale est un virus qui va donner une encéphalite, quoi, une réponse ou une encéphalopathie. Or, c'est pas en effet tout à fait le cas pour tout, je vous l'accorde, mais les virus du type RSV, donc Respiratory Syncytial Virus, sont des virus qui ne sont pas dirigés contre le cerveau et qui pourtant sont capables de s'y multiplier et en effet chez le nouveau-né font beaucoup de dégâts. Le problème c'est que la barrière hémato-encéphalique chez le nouveau-né, et tu me corrigeras Daniel si je me trompe, mais est une barrière qui n'est pas entièrement, enfin qui est un peu plus, enfin un peu moins solide que celle d'un adulte, ou je me trompe. Daniel Dounia. Alors, en fait, la barrière hémato-encéphalique, elle est présente dès la naissance. Elle n'est pas aussi imperméable que chez l'adulte. Mais chez un enfant qui attrape le RSV, qui a 3-4 ans, on a une barrière hémato-encéphalique qui est bien constituée déjà. Mais effectivement, comme le disait Nathalie Pardigon, c'est comme pour la Covid, où il faut voir qu'il y a plusieurs phases. Il y a une phase, entre guillemets, qui serait une phase virale, où c'est le virus lui-même qui peut provoquer des dommages. Et on a une deuxième phase, qui est une phase inflammatoire, où en fait la réponse inflammatoire qui essaye d'éliminer le virus, dans certains cas, peut provoquer plus de dommages finalement que le virus lui-même. Et c'est ce que l'on voit dans les phases secondaires en fait de ces infections. Et quand ça se produit au niveau du système nerveux central, ça peut produire des encéphalites et un emballement de la réponse immunitaire au sein du cerveau. Et là, du coup, c'est ces deuxièmes phases que l'on peut voir aussi parfois dans l'actualité récente avec la Covid. Le RSV, rappelons que c'est le virus qui est à l'origine de la bronchiolite, pour parler terminologie de la maladie initiale. Peut-être un mot, parce que c'est quand même important ce que vient de dire Nathalie Pardigon. Effectivement, on parle depuis le début de neurotropisme. C'est donc une affinité du virus avec les neurones, c'est-à-dire la capacité finalement à venir les infecter d'une certaine manière. Et il faut effectivement les distinguer des virus neuro-invasifs pour qui, je parle sous votre contrôle, arrêtez-moi si je me trompe, Daniel Dounia, pour qui les neurones sont la cible principale, c'est-à-dire qui attaquent directement les neurones et qui créent justement les maladies que décrivait Nathalie Pardigon. Absolument. Finalement, des virus neuro-invasifs proprement dit, on n'en a pas beaucoup. Il y en a moins, entre guillemets, qu'il y a les virus herpès, herpès simplex type 1 notamment, il y a le virus de la rage. Beaucoup d'autres virus, les poliovirus aussi, qui peuvent utiliser ce transport axonal. Mais ça reste, pour que ça puisse être transporté dans un axone, vous comprenez bien, vu la taille d'un axone, ce sont en général les virus plus petits en termes de taille, puisqu'ils utilisent les moteurs moléculaires qui permettent à l'axone de faire remonter des informations. Quand on a un virus un peu plus gros, finalement, il va pas avoir ses propriétés neuro-invasives par le câblage axonal, mais parfois il va utiliser d'autres méthodes de transport. Alors, parlons justement donc des coronavirus en règle générale. Vous le disiez, hein, on sait qu'il y a plusieurs coronavirus, notamment des coronavirus humains. Je peux donner leurs petits noms comme HCoV-229E ou HCoV-OC43. Le SARS-CoV-1, responsable de l'épidémie de SRAS, dont on sait et on l'entendait effectivement, mais à partir, peut-être faut-il le préciser d'ailleurs, Nathalie Pardigon, à partir de très peu d'autopsies. Hein, je crois qu'il n'y a que 8 cas autopsiés où on retrouve effectivement une charge virale dans les tissus cérébraux. Et donc un point d'interrogation sur le SARS-CoV-2. Est-ce qu'il faut séparer totalement, par exemple, ces symptômes dont on a beaucoup parlé sur le SARS-CoV-2, qui sont la perte de goût et la perte d'odorat, avec une certaine tendance au neurotropisme du virus? Alors là, je pense que vous touchez en effet un sujet qui est certainement l'un des sujets très très très en vogue en ce moment. En effet, est-ce que cette agueusie et anosmie a quelque chose à voir avec un passage du virus réellement dans le cerveau, ou est-ce que ça s'arrête en effet à un niveau un peu plus, enfin un peu moins un peu moins profond, dirons-nous? C'est vraiment une excellente question. Est-ce que le virus du corona va rentrer dans le cerveau et aller ne toucher que les centres de l'odorat et du goût, ou bien est-ce qu'en fait ce sont les cellules, par exemple des cellules du neuroépithélium olfactif, enfin au niveau du nez, qui sont touchées et il ne va pas y avoir de pénétration du virus dans le cerveau, mais qui vont détruire les cellules qui permettent de sentir, de reconnaître les odeurs. Est-ce que ça va s'arrêter là? C'est vraiment, je pense, une des questions importantes et troublantes de ce corona en particulier, du SARS-2, en effet. Daniel Dounia? Oui, tout à fait. En fait, je pense que il y a un certain nombre d'études, comme le disait Nathalie, c'est vraiment quelque chose qui est en pleine évolution. On a finalement que quelques mois de recul et on a beaucoup été confinés dans notre maison, donc on n'a pas trop pu avancer au niveau théorique scientifique sur les compréhensions de ce que l'on voit. Mais par exemple, il y a pas mal d'études qui ont été publiées, notamment des études qui regardaient l'expression du récepteur pour le SARS-CoV-2 au niveau de l'épithélium olfactif, puisque on raisonne par le fait que peut-être si une cellule n'exprime pas le récepteur, elle va pas pouvoir être infectée directement par le SARS-CoV-2. Et il y a un certain nombre d'études qui ont suggéré que les neurones olfactifs en eux-mêmes n'exprimaient pas le récepteur au SARS-CoV-2. Le récepteur ACE2, oui, ACE2. Le récepteur ACE2, absolument. Mais par contre, que les cellules environnantes, les cellules de Bowman, toutes les cellules de support, en fait, des épithéliums olfactifs, elles avaient le récepteur pour ACE2. Donc, l'hypothèse serait peut-être que l'épithélium olfactif, lui, serait infecté. Et comme il a des fonctions de soutien neuronaux, peut-être qu'il y aurait une perturbation de la capacité à processer les informations olfactives ou de goût et ou d'odeur. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ces troubles olfactifs. Alors, est-ce que c'est une infection directe des neurones olfactifs ou seulement des cellules environnantes? Pour l'instant, le débat est ouvert parce que on sait aussi que certains coronavirus sont capables d'infecter des cellules, y compris des cellules qui n'expriment pas leurs récepteurs. Parce qu'après, il y a des passages de cellule à cellule qui sont pas forcément dépendantes du récepteur, et du coup, il pourrait quand même y avoir une infection des neurones et peut-être une remontée au niveau du système nerveux. Mais pour l'instant, on n'a pas de données d'autopsie sur le SARS-CoV-2. Donc le débat est encore ouvert. Alors j'ai une question que je me pose depuis très longtemps, depuis le début et depuis qu'on parle de ces questions d'anosmie et d'agueusie, puisqu'on sait que les rhinovirus, enfin le rhume courant, certains d'entre eux sont provoqués par des coronavirus. On sait que certains rhumes provoquent des modifications du sens du goût et du sens de l'odorat, notamment sur des odeurs très acides, des odeurs vinaigrées. Est-ce que ça aussi c'est lié à un neurotropisme, ou est-ce que ces mécanismes-là on les connaît et comme pour ce que vous venez de décrire, ça ne toucherait finalement que l'appareil récepteur du goût, enfin les appareils en tout cas récepteurs du goût et de l'odeur, Daniel Dounia? Alors je pense que c'est assez complexe parce qu'en fait là il faut rajouter autre chose dans l'équation qui est la réponse immunitaire inflammatoire au niveau de la sphère olfactive en réponse à l'infection. Et qui dit réponse inflammatoire dit production d'un certain nombre de médiateurs inflammatoires, notamment ce qu'on appelle des cytokines. Mm-hmm. Et il y a un certain nombre de ces cytokines qui sont connues pour perturber les capacités de neurotransmission et le fonctionnement des neurones. Donc on peut aussi rajouter à ça au fait que peut-être avec une inflammation présente au niveau de la sphère olfactive et ces cytokines qui circulent, elles perturberaient la capacité des neurones effectivement à traiter un certain nombre d'informations comme on le voit effectivement dans le cas des rhinovirus. Mais là on est vraiment dans une situation très nouvelle puisque la perte de goût et d'odorat qui a été décrite dans les infections à SARS-CoV-2 se font sans congestion nasale. Donc, et de façon totale. Hein. Les patients disent que vraiment, on ne sent plus rien, on ne goûte plus rien du tout. Absolument. Au cas même, que, enfin, même maintenant, c'est reconnu comme, si on l'a, en fait, on n'a presque pas besoin de faire le test, c'est reconnu comme un signe évident d'infection par le SARS-CoV-2. Donc là, on a quelque chose de très nouveau que l'on n'avait pas encore vu pour d'autres virus respiratoires, qui laisse peut-être suggérer que peut-être le SARS-CoV-2 aurait un tropisme neuronal peut-être plus important que ce que l'on connaissait des autres coronas, voire même des autres virus respiratoires que l'on connaît jusqu'à présent. Alors ça, c'est pour les formes c'est pour les formes légères à modérer. D'autres questions et d'autres inquiétudes se sont portées sur, de nombreux témoignages de patients hospitalisés avec des formes de confusion plus ou moins prononcées, des pertes de repères parfois importantes, qui justement, inquiètent sur la possibilité d'un neurotropisme un peu plus prononcé, un peu plus poussé. Et pourtant, aujourd'hui encore, on a du mal à en faire la preuve. Là, les dernières études que j'ai pu consulter à ce propos, une du 15 avril chez 58 patients Covid en réanimation, seuls 8 ont été examinés avant toute sédation, puisque se pose évidemment la question de cette confusion qui serait provoquée soit par l'inflammation, soit par les médicaments que l'on peut donner pour lutter contre l'inflammation. Le COV2 a été retrouvé dans aucun prélèvement dans le liquide céphalo-rachidien qu'on a pu faire chez les patients qui n'avaient pas été sédatés. Nathalie Pardigon, on manque encore vraiment cruellement de preuves. Ah oui, mais c'est toujours le problème, en fait, d'arriver à retrouver du virus dans certains organes. Quelquefois, en fait, le problème est que le virus se multiplie relativement vite dans un organe et disparaît. Ah, et il laisse en effet une trace, mais une trace qui peut être uniquement inflammatoire et non pas du tout sous forme d'un génome qu'on puisse détecter. Donc, en effet, le fait de dire qu'on n'a pas trouvé de virus, ça peut dire soit que le virus n'y est pas pénétré et que les problèmes qui sont posés ne sont pas des problèmes liés à l'infection elle-même, à la réplication du virus lui-même, mais est lié plutôt à une réponse inflammatoire ou une réponse immune trop importante. Ou bien le virus est passé trop vite, ça s'est multiplié trop vite, ou on n'était pas au bon moment pour détecter le virus à l'endroit où. Et en fait, détecter le fait qu'on ne trouve pas de virus, par exemple, dans les post-mortem, peut simplement indiquer que la personne a été infectée, que le virus est parti et qu'on n'en trouve plus de traces, quoi. C'est souvent le cas, en fait, avec des infections. Je reprends mon cheval de bataille qui est le flavivirus, mais les flavivirus donnent des virémies extrêmement courtes. Et en fait, on peut très bien avoir été contaminé par un flavivirus et ne pas retrouver la trace au niveau sanguin parce que le virus est déjà parti. Daniel Dounia, sur cette question de l'absence pour le moment de preuves, de traces de virus dans le liquide céphalo-rachidien, de la difficulté d'attribuer ces états de confusion à la fièvre, à l'infection en cours, aux médicaments que l'on donne justement pour lutter contre ces phases infectieuses qui sont en général déjà relativement aiguës quand les patients arrivent à l'hôpital. Alors je pense que finalement, à l'heure actuelle, ce que l'on sait du SARS-CoV-2, c'est qu'il y a très peu de virémie, il n'y a pas de virus dans le sang. C'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de virus dans le liquide céphalo-rachidien non plus. Par contre, à quoi sont liés les troubles très réels de confusion mentale que l'on voit chez les patients? Alors c'est souvent dans les phases postérieures de la Covid, donc vraisemblablement, en ce moment, je pense qu'on privilégie plutôt une hypothèse qui serait les conséquences de la réponse inflammatoire antivirale, qui effectivement, même si elle est au niveau pulmonaire, ensuite, quand il y a des médiateurs inflammatoires, ils circulent partout dans l'organisme, y compris dans le système nerveux central. Et on sait que beaucoup de cytokines pro-inflammatoires perturbent le fonctionnement cérébral. On le sait, quand on a une grippe, on se sent fatigué, on est confus, c'est ce qu'on appelle le sickness behavior syndrome. On a des problèmes comportementaux liés à cette présence de cytokines. Et je pense que la phase inflammatoire de la Covid se traduit par des troubles cognitifs. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que à cette chose que l'on voit souvent dans des infections virales, on peut rajouter une hypothèse qui serait que le SARS-CoV-2 infecterait certains neurones et provoquerait des détresses, des problèmes neurologiques. Je crois que pour l'instant, même sur le SARS-CoV-1, finalement, les données d'autopsie qui ont été obtenues sont très fragmentaires. Et le neurotropisme 8 patients, du SARS-CoV-1, voilà, c'est ça. 8 patients pour le SARS-CoV-1. Voilà. Et c'est pas sur 778 patients qui sont décédés, mais en plus, on sait pas vraiment combien ont été prélevés pour l'autopsie, on sait pas, mais disons que c'est là où vous voyez vraiment le problème de diagnostiquer vraiment une infection, dans le cerveau. Il y a eu des données, effectivement, sur des modèles de souris transgéniques, où on a montré que sur des modèles de souris transgéniques, on pouvait infecter la souris par le SARS-CoV-1 quand on lui faisait exprimer le récepteur humain, ACE2. Le problème, c'est que comme c'est une souris transgénique, on n'a pas du tout de garantie que la répartition du récepteur est vraiment la même que ce qu'on a chez l'homme. Donc on ne sait pas vraiment si les données chez la souris permettent vraiment de conclure que le virus est capable d'infecter les neurones. Pour l'instant, ça reste un moyen d'étude pour regarder si jamais il infectait les neurones, quelles pourraient être les conséquences de cette multiplication. Mais vraiment, est-ce que le SARS-CoV-2 ou le SARS-CoV avant sont capables d'infecter les neurones? Je pense que, vu les données dont on dispose en ce moment en anatomopathologie, c'est pas très solide pour l'instant. Il y a une hypothèse, et ce sera certainement la conclusion, le mot de la fin, une hypothèse qui était une hypothèse assez séduisante, qui est liée à la sous-représentation des fumeurs dans les cas graves de Covid-19, avec une hypothèse qui est que la nicotine étant un homologue de l'acétylcholine, eh bien, du coup, en se fixant à la place des récepteurs acétylcholiniques sur les neurones, eh bien, elle empêcherait le déroulement de cette tempête de cytokines, donc de cette réaction pro-inflammatoire démesurée, et donc ça plaiderait pour le fait que cette réaction inflammatoire démesurée, elle ne se passe pas tant au niveau pulmonaire que, eh bien justement, par un déclenchement cérébral, donc plaiderait pour un neurotropisme particulier du SARS-CoV-2. Qu'en pensez-vous l'un et l'autre, Daniel Dounia? J'en pense que pour l'instant, moi j'ai regardé les études, c'est assez intéressant, hein, c'est assez clair qu'il y a peut-être une interférence au niveau du système nicotinique avec l'entrée virale ou avec l'inflammation. Mais à l'heure actuelle, dans l'état actuel des connaissances, je ne sais pas si on peut aller tellement plus loin que cela. Nathalie Pardigon. Oui, moi j'avais trouvé quelque chose d'intéressant, c'est qu'il est possible, alors c'était une hypothèse, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de démontré, mais c'est que le corona est quand même, enfin le SARS-CoV-2, puisse s'attaquer en fait à un centre qui dirige la respiration, un centre respiratoire dans le cerveau. Donc ces neurones dans ce centre seraient attaqués et c'est ça en fait qui provoquerait des détresses respiratoires importantes. Je suis pas sûre que ça soit l'unique problème parce que le SARS, la Covid est quand même une maladie majoritairement à base majoritairement pulmonaire, tout à fait. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose à aller rechercher, en effet, soit sur le fait que le SARS-2 est capable de cibler des neurones particuliers, si on est capable de montrer, en effet, comme disait Daniel, qu'il y a bien, en effet, une infection neuronale, ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas. Daniel Dounia, pour conclure, quel type d'études il faudrait mener pour pouvoir être fixé sur cette question? Alors, c'est très compliqué parce que je pense qu'effectivement, le gold standard, ce serait de la détection virale dans le parenchyme cérébral de patients décédés de la Covid. Alors, ça ne nous apportera pas grand-chose, mais au moins de savoir si effectivement il y a une infection possible. Après, on peut penser à des analyses in vitro sur regarder la capacité du SARS-CoV-2 à infecter des cellules neuronales et à se disséminer dans des modèles cellulaires et animaux, dans des modèles d'organoïdes. C'est des modèles un peu réducteurs, mais qui permettent vraiment d'examiner plus clairement cette hypothèse d'infection neuronale par les coronavirus. Merci infiniment à tous les deux d'être venus nous parler de cette barrière hémato-encéphalique en lien évidemment avec l'actualité épidémique. Merci Nathalie Pardigon, merci Daniel Dounia d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Alexandra Delbout, Antoine Beauchamp, Noémie Néguet Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Céline Lausanne, Olivier Bétard à la réalisation et Audrey Guélil aujourd'hui à la technique. Je prends un peu de temps pour vous donner, comme tous les lundis, un aperçu de ce que nous vous avons concocté avec toute cette chouette équipe dans le laboratoire de La Méthode Scientifique pour la semaine. Demain, nous aurons l'honneur et le plaisir de recevoir deux prix Nobel, s'il vous plaît, Michel Mayor et Didier Queloz, pour parler exoplanètes. Mercredi, il sera question de modèles épidémiologiques, hein, comment sont-ils établis, à quel point peut-on s'y fier. Jeudi, petit flottement encore, mais si tout se passe bien, on aura bien le point de vue d'un ou d'une grande scientifique qui a vécu cette épidémie en prise directe, qui pourra nous donner eh bien, une sorte de premier aperçu avec 3, 4, 5 mois de recul. Et puis vendredi, nous retournerons nous perdre dans cette fameuse mystérieuse zone 51 à la recherche d'un complot extraterrestre. On se retrouve demain à 16h pour La Méthode Scientifique et avant ça à 8h55 comme tous les matins dans la matinale de Guillaume Herner pour la radiographie du coronavirus jusqu'à preuve du contraire.